À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Big Flo et Oli. Are you ready? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap, Big Flo et Oli, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est déjà l'avant-dernier Planet Rap de la semaine. Messieurs, bienvenue, comment ça va? Ça va super. En pleine forme. Toujours chaud, jamais fatigué. Après cette grosse soirée hier, clash. J'ai perdu malheureusement, putain. Oui, mais avec les honneurs. C'est normal. On s'y attendait tous. Un peu de bruit pour moi, s'il vous plaît, dans les studios. Voilà. Le mec demande du bruit pour lui, ok. Et un peu de bruit pour moi, alors. Pour Oli. Ah, il y a trop les supporters. Fred et Pierre, il est contre moi, je le sais. Mais non, mais il faut toujours soutenir. Voilà. Attends, les plus mauvais, c'est ça, soutenir les plus mauvais. Non. Voilà, on se comprend entre anciens. Bah oui, d'ailleurs, on va revivre un petit peu de ça maintenant, le clash, puisque c'est l'heure de débuter ce Planet Rap. Avec un petit retour en arrière, comme d'hab, le replay de la veille. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Je ne vois que l'ennui, où est passé ma vie, où est passé l'amour. Ce soir, la même bouffe de supermarché. Haricots verts, c'est caché, on fera semblant de pas se fâcher. Mais j'ai encore trouvé les textos dans son téléphone. C'est pas la fin du monde, ça fait 2 ans qu'elle me trompe. Moi comme d'hab je dis rien non, comme d'hab je suis à fond. Ce monde est trop pourri pour ma fille. J'ai honte la routine, le premier jour comme le dernier. Attends mais y'a pas un fusil dans le grenier. Il a tué sa fille et sa femme, enfin sa femme en premier. On parle de fusil et d'idées noires dans le fond de son grenier. J'entends encore le bruit des cris, c'est pire à chaque seconde. 3 tombes pour un monsieur tout le monde. Voisin, ça c'est en pire, 4 fois sur la gâchette. Les volets fermés, oui, le drame s'est passé en cachette. J'ai entendu un bam, on venait de quitter la table. 22h32, une balle, celle qui a tué sa femme. Il se fâchait pas mal, j'ai pensé à une dispute banale. S'enchaîne un coup machinal, le calme, puis la balle finale. Un coup de fil, la police débarque, les chaînes télé défilent. On me demande des infos sur le bar, un peu comme dans les films. On a retrouvé le corps de sa fille tout près du sien. C'était hier soir, en direct sur Skyrock. Je présente Oli, la première de toutes mes groupies, aka le sosie officiel de Choupi. Tu stresses, t'as peur, tu veux appeler la police. Ce soir dans ton slip c'est Urban Peace. Il est trop gros, lui propose pas de verre. D'où il comprend rien, normal, il a de la graisse plein le cerveau. Ne croyez pas ce type, non. C'est que du bluff, il s'appelle Oli. Mais quand il est Oli, c'est jamais avec une meuf. Planet Rap. Le public serait pour moi s'il fallait voter. Ça la tête de Mexicain, t'es forcément adopté. Je vais faire un meurtre. Fred de Sky sera témoin. J'ai vu que tu recherchais des muscles sur le bon coin. Faut que tu manges, non. Fais du sport, c'est angoissant. Allo, dis full, ouais, c'est Big Flo. J'ai des problèmes de croissance. Quand tu rames solo, le public s'est trop marré. Car t'as la tête à Gainsbourg et le corps de Stromae. C'était nul. Big Flo, où t'es? Big Flo, où t'es? Big Flo, où t'es? Je tiens à dire que personne ne chante dans son équipe, ils sont vraiment pas chauds, alors que moi ils sont chauds, faites du bruit! 20h-21h, en direct avec Big Flo et Oli sur Skyrock. Ah là, ce petit résumé rapide, hein, l'intégralité du clash est dispo en images sur le Skyrock FM, sur leplanetrap.skyrock.com. C'était un super moment. Allez le voir sur YouTube si vous avez pas vu. Ça va être réconcilié hier soir. On s'est réconcilié. De toute façon, on dort dans la même chambre d'hôtel, donc on n'a pas trop le choix. Voilà. On dort pas dans le même lit. Ouais. Pour ceux qui font des raccourcis rapidement. Bah, en même temps, entre frangins, c'est particulier, hein. Ouais. Okay. Attends, Fred, là, tu pars sur des sujets bizarres. Là. Non, c'est vous, hein. C'est toi qui a essayé de glisser. Malheureusement, Oli a gagné. Voilà, c'était très serré, mais les gens, ils ont tweeté, et ils ont décidé que c'était Oli le meilleur. Mais bon, voilà. C'était bravo à vous deux, en tout cas c'est un super Planet Rap hier entre 20 merci. Et 21. Merci beaucoup. Il est grand temps aussi de présenter peut-être l'un de vos invités qui est arrivé déjà dans le studio, qui est à l'heure lui, contrairement à un autre qu'on connaît bien sur les horaires. Ah, c'est bien la première fois que je suis à l'heure, Fred, je crois que c'est vrai. C'est vrai en même temps. Il nous fait l'honneur d'être à l'heure, c'est Jazzy Baz. Ouais. Faites du bruit pour Jazzy Baz, s'il vous plaît. Du collectif L'Entourage. Quelqu'un qu'on apprécie beaucoup artistiquement. On a beaucoup écouté Jazzy. Nous, on s'est fait connaître sur Internet par les Rap Contenders. Mm-hmm. Nous, on regardait les siens, on était fan. Vous auriez pu le clasher ou pas? Non, on passe pas devant lui. et après, voilà, ses sons, il a sorti son EP, on l'a écouté à fond. Et on a appris en se parlant et tout sur les concerts qu'il était argentin aussi comme nous. On s'est trouvé des points communs. Argentino. Donc voilà. Ça va? Ouais, ça va. Hein, en pleine forme? Ouais, ouais. Toi, t'aurais pu les clasher, t'aurais pu les manger, les deux, non? Franchement, les deux en même temps, tranquille. Ok. Mais on vient tous de la même. En effet, on est du même courant, un peu, du même. On vient du même truc, donc c'est cool de voir tout le monde faire son truc. Donc voilà, pareil, j'apporte un maximum de soutien, méga Big Flo et Oli. Merci beaucoup. Ils sont là entre 20h et 21h, ils font un bon Planet Rap, un très bon Planet Rap tous les soirs avec du live. Un Planet Rap pour l'album d'ailleurs qui est deuxième du top rap, juste derrière Booba. Pour l'instant on est 11e, donc il faudrait essayer de monter dans le top 5. Sur le général on est 11e sur le top iTunes, il faudrait essayer de monter top 5. Pour ça c'est très simple, vous allez précommander l'album. Il coûte que 7,99€, c'est même pas le prix d'un Big Mac. Il a ça dans le sang. Et donc on compte sur vous et tweetez avec le hashtag BigFlowOli sur Skyrock, comme ça on voit tous vos messages sur le petit écran là. Il y a un mec qui dit ouais le beatboxer est bon, mais justement il y a Wawa d'Avenue aussi. Wawa qui est là qu'on salue aussi. Wawa, ramène-toi un peu. Il est toujours là. Il est juste derrière toi. Il fait le signe. Viens, Wawan. Ça va bien? Ça va. Et toi, Fred? Écoute, en pleine forme aussi. Ravi de vous retrouver pour ce Planet Rap ce soir. On parlait, c'est vrai, avec Jazzy Bass, les origines argentines, c'est de quel côté chez vous? C'est notre père. Notre père est argentin, notre mère est d'origine algérienne et nous, on est français. Comme je dis toujours, on est 50% argentin, 50% algérien, 100% français. Et alors? Et ça, c'est beau, ça mérite un applaudissement. Il est dingue. Envoyez-le à Touche pas à mon poste, je sais pas, faites quelque chose. Il arrive, on l'envoie chez Hanouna. Faites quelque chose. Un petit mot, vous avez déjà été en Argentine ou en Algérie aussi? En Argentine surtout, en fait, nous, notre père, il nous a fait regarder tous les matchs de Maradona. Il nous a fait. Ah oui, vous êtes tapé les trucs, vous étiez pas né en fait. Il nous a fait voir les anciens matchs. C'est vrai en plus, il nous sortait les cassettes et il nous faisait voir les matchs. De 86, c'est-à-dire. Allez, les fistons, venez. Bon. Ça. Après, l'été dernier, il y a eu la finale là, contre l'Allemagne. Mon père, il a quasiment pleuré. Nous, on était déprimés. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de sérieux, l'équipe d'Argentine. Et non, mais vous avez été en Argentine aussi? Il n'y a que le football en Argentine. Hein. C'est ça qu'il faut savoir. Il n'y a que le football. La religion là-bas, c'est le football. Mais ouais, on y est allé plusieurs fois. On a eu l'occasion d'y aller. On a toute la famille là-bas. Donc. On y va, on espère retourner bientôt là-bas. Ouais. Et le côté algérien, pas encore? Vous n'avez pas fait un. Pas encore. Côté algérien, non, pas encore. Il faudrait qu'on y aille. Faut qu'on s'y mette. On est allé dans les pays à côté pour profiter, mais pas en Algérie encore. Eh bah écoute, Inch'Allah. On débarque bientôt. En plus, on reçoit beaucoup de messages de là-bas, donc ça fait plaisir. Je viens de recevoir un texto du deuxième invité, qui est Youssoufa. Il me dit oui, je suis là dans 20 minutes, Mac, je suis dans un taxi. Ah, faites du bruit pour Youssoufa. Ouais Youssoufa, si tu nous entends dans le taxi, allez. On appuie sur le champignon. Surtout pour le chauffeur de taxi, parce que. Et les 20 minutes de Youssoufa. On a appuyé sur le champignon. Voilà. Je connais les 20 minutes de Youssoufa. Bon, non, Jazzy, tout va bien? Ouais, ça va. Quelles sont les nouvelles de toi, l'entourage, de tout le monde? Franchement, tout le monde bosse là dans l'entourage, surtout sur les projets solo ou les petits groupes. On a sorti un album qui est toujours disponible. Jeune entrepreneur, on était venu ici avec toi passer une semaine. Et on fait quelques concerts. Moi, je prépare un album pareil, hein, donc comme tout le monde, un album solo là. Nous tarde, ça va être lourd. Bah, on attend ça nous depuis longtemps. Hein. Ouais, c'est vrai. On bosse ça. Et voilà quoi, on se concentre sur la création là en ce moment. Bon, il y aura du live avec vous tout à l'heure, je suppose aussi. Ouais, ça va rappeler un petit peu. En fin d'émission et on débute comme d'hab. Comme d'hab. Hein, voilà. Je veux que tout le monde utilise cette expression maintenant. Allez-y, comme d'hab. Big Flo et Oli. Comme d'hab quoi. On s'en souviendra. Okay. Si t'es comme moi, à chaque fois c'est comme ça. Faudrait que je me bouge, mais de toute manière y'a plus d'heures. J'avais rien de prévu, autant rien faire à plusieurs. Y'a le pote condamné qui sortira en douce. Le pote amoureux qu'on voit plus depuis qu'il est en couple. Je les appelle tous. Comme d'hab, on sort en ville, besoin d'air libre. Notre soirée repose sur les épaules du pote qui a le permis. À 5 dans une voiture pourrie, on s'imagine en Ferrari. On klaxonne des touristes, je me demande où passe la nuit. Comme d'hab, on veut aller au ciné, car l'heure défile. Mais on a raté la séance, le temps de se mettre d'accord sur le film. On est bien sur notre banc, rien faire c'est épuisant. Comme d'hab, ça part en débat. J'te jure, Michael Jackson est vivant. Après 2-3 verres, mon pote m'écrit, on veut se taper. Il se pense musclé, comme d'hab, on va devoir le rattraper. Entrer en boîte, jamais. Pourtant, j'ai mis mes beaux vêtements, au moins les morts de rire. Me tire des gueules dans. On quitte notre vie, comme ça. Promis on fera notre combat. Pour l'instant on profite d'Arambille entre amis. Attends nos soirées de merde, nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères, nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Attends nos soirées de merde, nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères, nos embrouilles, nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab, j'sais pas vous mais moi. Comme d'hab, encore sous les draps. Comme d'hab, on s'en souviendra. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est comme ça. C'est une photo, un polo, je pars en mission. Après un texto, un poteau, une proposition. Y'a une soirée chez lui, est-ce que tu viens avec moi? Rendez-vous à 20h, arrivé à 23. Comme d'hab, j'peux me caler, j'arrive emballé. Mais je fais la bise pendant une heure avant de m'installer. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps? On exagère sa vie, on ment, le temps passe vite, c'est affolant. T'as pas changé, t'es comme avant. On réserve les chambres comme dans un hôtel. La grosse du fond de la classe est devenue top modèle. Personne se lance, plus d'alcool que d'ambiance. Comme d'hab, aucun mec sur la piste de danse. Comme d'hab, les filles vont aux toilettes par paquet de 12. Comme d'hab, les plus bonnes sont déjà en couple. Y'a plus de bus, le métro est fermé. Toutes les voitures sont déjà au complet. Putain, le taxi c'est vraiment pas donné. T'as pas une trottinette. En partant, je croise un type qui vomit et allé par terre. Il me dit: vas-y, Big Flo, fais-moi un petit rap, frère. À toutes nos soirées de merde. À toutes nos soirées de merde. Yannis, on s'embrouille nos galères. On s'embrouille nos galères. Si on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Comme Jimmy, comme d'hab, à toutes nos soirées de merde. Nos soirées de merde. Nos embrouilles, nos galères. On s'embrouille nos galères. Jimmy, on fait tout refaire, on ferait la même. On ferait la même, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. L'album s'appelle La Cour des Grands et sur le 1er juin, allez le précommander les potes. Sous les draps, comme d'hab, on s'en souviendra. Et si t'es comme moi, à chaque fois c'est tu comme ça. Tu m'as mis 100, on est simple. Personne n'a pris les enceintes. On se fait des pâtes, on se ça le suffit. Y'a un moment qui se sent pas bien. Pour on mate la paire de seins. La fête est naze, mais elle lui dit rien. Viens, on veut fumer le chien. Et les gars, on fait un Scrabble. À toutes nos soirées de merde. Y'aura du vomi pas de meuf. Nos embrouilles, nos galères. Des vomi pas de meuf. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. Ce soir on vise le top 5 les gars. Le top 5 iTunes, ça allez précommander l'album. À toutes nos soirées de merde. Ça se passe pas comme dans les films. Nos embrouilles, nos galères. On finit dans la piste. Si on fait tout refaire, on ferait la merde. On ferait la merde, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab à l'instant, Big Flo et Oli. Hey yes. La Cour des Grands, ça arrive le 1er juin. D'ailleurs, le clip a passé les 700 000 vues. Là. C'est pas mal, un petit applaudissement. À l'instant même, à l'instant même. Il est dingue, il continue. Ouais. Il continue son show. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Un vrai geek, hein. Un vrai geek, hein, le frangin. En plus, on est venu avec tous les poteaux de Toulouse, donc ça fait plaisir. Ah, il y a des Toulousains et ouais. Toulousaines ici. Il y en a un qui vient de me dire à l'oreille: ouais, passe une dédicace à ma daronne, Karine, donc c'est fait. Voilà. Eh ben voilà, la daronne, on salue. Et ben, les Toulousains, je les entends pas beaucoup, hein, franchement. Les Toulousains, les gars. Je comprends l'ambiance dans votre stade, hein, de foot, franchement. Il commence. Big Flo, il est avec nous entre 20 et 21. Qu'est-ce qui est au programme de ce soir? Donc du live, il y a Jazzy Baz, on le disait, Youssoupha. Il y a Youssoupha qui arrive, qui va freestyler depuis le taxi. C'est un concept. Et puis voilà, et on prépare avec Youssoupha un remix exclusif, tout à fait inédit, de Entourage. On a écrit un petit truc spécialement pour ça et on va vous faire la version là en live, on va voir. Ouais. On mettra aussi un morceau de l'album. Ouais, on va se repasser nous aussi, qu'on avait fait en live, c'était quand, avant-hier ou hier, je sais plus. Ouais. Mais voilà, on va se repasser parce que je suis désolé de dire encore des chiffres, mais il va ou alors il a déjà dépassé les 2 millions de vues. Ouais, ouais. Voilà, j'adore. C1, C2, j'adore C2 millions. Avec tous tes chiffres. Mais c'est dingue, c'est tout le temps comme ça. La nuit, tu te réveilles, t'as des chiffres comme ça en tête? Des chiffres pas. Quand tu vas te coucher, il se met à côté de toi et dit: tu vas dormir 7 heures. Donc si tu calcules bien, enfin, tu vas devenir fou avec les ventes d'albums en fait. Tu vois, ouais. Toutes les minutes, le mec. Oh putain, merde, on a vendu 2 au Carrefour. Il est déjà fou. J'ai passé un bac S, contrairement à Oli qui a passé un faux bac, un bac ES. Le mec. Jazzy, tu veux ajouter un point sur les études? Moi, j'ai fait ES, donc. Il paraît que c'est le truc des branleurs un peu. Le S, ouais, hein. Complètement. C'est sûr. Ah, je suis pas d'accord. J'ai taffé comme un dingue. Dites-nous, avec le hashtag Big Flo Oli sur Skyrock si c'est mieux S, ES ou L. Il est dingue. Allez. Donc tous les deux, ça y est, c'est fait. Hein. Fini le bac. Ouais, moi c'était l'année dernière, donc je sors à tout frais du lycée là, et cette année c'est à fond musique, on a beaucoup de concerts un peu partout. D'ailleurs on sera le 1er octobre à la Maroquinerie. Est-ce qu'il y a toujours des places d'ailleurs à choper? Ce soir on refait gagner des places. Et pour les gens qui demandent, à chaque fois on vous follow et on vous envoie ça par message privé, donc voilà. Donc on va refaire gagner des places pour la Maroquinerie le 1er octobre à Paris. Donc vous envoyez Paris, hashtag BigFloOli sur Skyrock. Et aussi des places pour le Bikini. En fait le Bikini, ça correspond à la cigale un peu pour nous les Toulousains. Oui. Et le Bikini le 8 octobre, si vous voulez gagner des places, vous envoyez toulouse@bigflooli sur Skyrock et on choisira quelqu'un au hasard. Yes, envoyez ça. On va me faire traiter parce qu'on me dit pas mal d'ES. Au moins l'écho c'est intéressant. Et un mec a tweeté Bac Pro c'est le mieux. Il y a un mec qui a tweeté ça, c'est marrant. Courage STMG. À ceux, parce que là il y en a pas mal qui sont en vacances. Mais je sais que c'est aussi pas mal les révisions à ce moment-là. Généralement là c'est le moment. On a un pote d'ailleurs qui était avec nous les 3 premiers jours mais qui a dû rentrer pour réviser le bac. Donc c'est vous avez des mecs sérieux avec vous, hein? Eh ouais, ben oui. L'avenir, Fred. Ouais. L'avenir. Ouais, l'avenir n'est peut-être pas dans le rap, c'est pour ça qu'il faut s'y penser déjà. Quoi. Vous voyez faire quoi d'ailleurs, vous les deux? Parce que le rap, c'est avant tout une passion pour vous deux. Ouais. Mais il y a une envie particulière? Ah non, on veut faire de la musique, hein, Fred. Ouais, on s'est toujours vu faire ça depuis qu'on a 17 ans. On rêvait de passer en radio, de faire des concerts, etc. Donc là, on est en train de réaliser le rêve petit à petit. Et le but maintenant, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Quoi. Bah écoute, on croise les doigts. Ouais. Jazzy, t'as un petit conseil à leur filer, toi qui es aussi dedans depuis un bon moment? Un conseil, je serais mal placé pour donner des conseils dans le rap, mais surtout en termes de carrière. Mais donc voilà, faut faire son truc, hein, faut croire en ses rêves, les gars. Et bah faut foncer. C'est beau. C'est beau bien ce parti, que tu dis, en tout cas, le 1er juin. Et on avait dit ce soir qu'on faisait les questions des auditeurs auditrices de Skyrock. Ah ouais, alors c'est quoi ça exactement? Et bah c'est Yuna qui est par téléphone de l'Antique. Okay. L'Antique, c'est en Bretagne, c'est bien ça, Yuna? Oui, c'est ça. Bienvenue, je te présente Big Flo, Oli, Jazzy Bass, qui est là aussi avec nous. Salut. Merci. Salut Yuna, ça va? Salut. Oui, ça va, et toi? T'as la même voix que moi dans le clip que t'as passé l'autre jour avec aussi. On est à 8 ans, elle en a 15. Et c'est une fille. Yuna? Oui. Quelle est ta question pour Big Flo et Oli? On t'écoute. Oui, c'est. C'est pour vous demander par qui vous vous êtes fait remarquer? Par qui on s'est fait remarquer? Comment vous êtes fait repérer en fait? Ah, bonne question. Oui, voilà. Bah, nous, en fait, c'est grâce à Internet surtout. Grâce à YouTube, à l'outil YouTube, on a mis, on a fait le Rap Contender, ce que Jazzy Bass connaît bien. Ça faisait beaucoup de vues à l'époque. De là, on s'est fait un petit nom parce qu'on avait gagné notre clash et c'était bien passé pour nous. Et on a sorti un clip dans la foulée qui a fait plein de vues et tous nos clips ont fait plein de vues. On sait pas vraiment pourquoi, on peut pas vraiment expliquer. Attends, on n'a pas arrêté de balancer des trucs sur YouTube, plein de contenu et voilà. Et après, on a fait. Donc c'est vraiment alimenté, ce côté-là, ouais. Si voilà, on nous demande souvent ça aussi par message. Comment vous avez fait pour vous faire connaître ou machin pour vivre du rap? Mais en fait, il faut faire plein de concerts, il faut se montrer un peu partout, il faut aller au freestyle, même quand c'est des endroits pourris, il faut y aller, il faut faire des clips, même si ça fait pas de vue, il faut en refaire d'autres, il faut s'acharner quoi. Il faut aller dans des petits concerts à droite, à gauche, même s'il y a deux personnes, il faut monter sur scène. Une fois, on a fait justement Luc, notre violoncelliste, et là aujourd'hui, il est monté spécialement. Et on a fait des concerts, des fois, il y avait lui, nous deux et nos deux parents, et c'était tout. Voilà. Ouais. Donc, t'as dû connaître aussi. Il y a tout forcément dans les concerts. Tu passes par certaines étapes. Mais c'est les plus durs, les concerts où il y a peu de monde. Pour moi, c'est vraiment le plus difficile. Ah ouais, parce que c'est très personnel. Il faut arriver à choper la salle, quoi. Les peu de personnes qui sont là. Franchement, c'est le plus dur. Voilà, Yuna, pour ta question et ta réponse surtout. Yuna, est-ce que tu as précommandé l'album? Ah non, mais il continue. J'espère. D'accord, merci Yuna. Merci beaucoup pour ta question. Merci pour la force. Big Flo va chez toi en Bretagne ce soir, il contrôlera. Mais non. Mais merci en tout cas pour ta question. Merci d'avoir. On fait un bisou, passe une bonne soirée. Florentin de Étape sur Mer dans le 6-2. Salut Florentin. Salut. Salut mec. Florentin. Ça va les gars? Ça va et toi, poto? Ça va, tranquille. Et ben on t'écoute. Alors quelle est ta question, Florentin? Ouais, c'était pour savoir avec quel rappeur vous aimeriez bien faire un feat les prochainement. Bonne question. Nous on est fan de IAM comme tu peux le savoir, donc il a fallu avoir des feats sur. Est-ce qu'on peut dévoiler quelques feats de l'album d'ailleurs? Il n'y en a pas et en fait tous les feats qu'on a voulu faire ne sont pas faits. Moi j'ai fait un feat avec quelqu'un qui s'appelle Big Flo, je sais pas si tu connais. Pendant combien de morceaux? 18 ouais. Franchement, faire un feat avec Orelsan, ça nous plairait bien. Mm-hmm. Bien sûr, tout le monde nous le demande depuis un moment. Orelsan ne pouvait pas là pour cet album. Mais il tourne occupé. Son film en ce moment. Un gros big up à lui. Hein. Il est avec, sur quand en ce moment? Avec Youssoupha aussi, pourquoi pas. Avec IAM et avec Jazzy Bass aussi, c'est pour ça qu'on l'a invité, parce que c'est quelqu'un qu'on apprécie. Faire un petit truc, donc c'est dans l'avenir en tout cas. Tous les artistes avec qui tu peux nous voir, que ce soit qu'on met sur les réseaux sociaux ou alors qu'on a invité dans ce Planet Rap, c'est que voilà, on voudrait bien faire un feat avec eux. C'est validé, grave. Yes. Et ben merci mec. À toi Florentin. À bientôt, mec. Pose pas la question. Parce que d'après, non, Florentin, il fait peur avec sa grosse voix en fait. Il a envie de savoir s'il a précommandé l'album. Non, sinon après, ça fait le relou de trop demander. Je demande à une personne sur deux. Ouais, une personne sur deux. Voilà. Et bougez pas dans un instant. La suite des questions, c'est vous qui posez des questions à Big Flo Oli avec le hashtag aussi. Yes. Big Flo et Oli sur Skyrock. On avait promis, on met un morceau après la pub. Après la pub, on mettra quel titre? On mettra nous aussi pour fêter les 2 millions de vues sur YouTube. Et ne bougez pas, c'est juste après ça. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Big Flo et Oli pendant une heure complète ce soir. Planète Rap, Big Flo et Oli. C'est Big Flo et Oli, nos invités cette semaine, avec l'album qui sortira le 1er juin avec Jazzy Bass qui est là aussi. Yes. Et une arrivée quand même. On en a parlé un petit peu cette semaine puisqu'il a bossé avec vous. C'est vrai que vous faites principalement vos sons. Ouais. Vous bossez. On compose à la maison, on fait une espèce de petite maquette qui ressemble à un son. mais elle n'est pas encore assez grosse, assez boostée pour passer sur Skyrock par exemple, ou sur d'autres radios, ou pour être écouté dans des grosses enceintes. Ouais. Et c'est à ce moment-là que cet homme intervient. Et quel homme aide, Le loup, monsieur Animalson. Clément Animalson. Clément qui vient de faire son entrée. Beaucoup de conseils et on a bien regardé dans le studio. Clément, ça va, tu es tellement grand qu'il faut regarder. Bonsoir. Clément, c'est le mec aussi qui vous l'avez vu mixer ou pas pendant. Non, pas encore. La dernière, c'est que Coupe de. Pour la finale de la Coupe de la Ligue. Finale de la Coupe de la Ligue. J'ai vu sur Insta. La routine. Le gars est là au Stade de France. Moi, je mixe pas en dessous de 60 000 personnes. Voilà, c'est comme ça. Voilà, petite foulée, très détendue. Clément, Paris. Je sais que toi tu as toujours le bon mot pour décrire les artistes. Mm-hmm. Il y a très longtemps avec La Fouine, quand tu étais venu avec La Fouine. Ah ouais. Bon, c'est un autre univers, Big Flo Oli. Yeah. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces deux gars avec qui tu as bossé, avec qui tu as collaboré sur cet album La Cour des Grands? Bah écoute-moi, gros coup de cœur sur Big Flo Oli, mais ça fait déjà un moment. Merci, on se croisait sur les festivals. Ouais. À chaque fois que j'étais sur une date en province ou sur un festival ou quoi que ce soit, et que je voyais leur nom, je m'arrangeais pour être là au concert parce que moi, c'est d'abord une découverte en live. Je les ai trouvés absolument extraordinaires. Je recommande à tout le monde d'aller les voir en concert. Merci. Voilà, ah ouais, carrément. Y a pas, merci. En la matière, la concurrence est quand même assez maigre. Hein, bon, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais quoi qu'il en soit, ce que eux proposent. Non, mais moi, je parle avec le cœur. Hein, tu sais comme je suis. Yes. Moi, je pense que voilà, ce que eux proposent, c'est extraordinaire en live et voilà. Donc moi, écoute, j'avais un peu initié le projet. Enfin, à chaque fois que je les croisais, je leur dis les gars, si un jour il y a un studio qui peut se caler, moi, je serais heureux de proposer quelque chose. Et puis ça s'est fait. Voilà, on s'est retrouvés en studio ensemble. Pas mal de conseils aussi, de longues discussions. Des débats aussi. Mais que des bons moments. C'est des artistes qui bossent avec le cœur et voilà. Chaque moment qu'on a passé ensemble, c'était vraiment bien. Moi en studio, voilà, les prods étaient prêtes, moi j'ai fait quelques travaux d'arrangement, mais en vérité l'essentiel était là, il n'y avait pas grand chose à faire, tu vois. Voilà. Bah, merci beaucoup. Du bruit pour Animal Son, s'il vous plaît. Pour Abdel, mon chauffeur VTC, qui nous a déposé. Abdel, gros big up à toi, mon frère. Voilà, une grosse dédicace, Abdel. Ouais. Beaucoup plus rapide que le chauffeur de Youssoupha. Hein. Je dis ça parce qu'il est quand même 20h23. Youssoupha, où es-tu? Où es-tu, Youssoupha? Je suis très heureux de voir Jazzy Baz aussi autour de la table. C'est un artiste que j'affectionne aussi beaucoup. Il est là, je le vois dans la caméra. On avait collaboré ensemble sur le projet de l'entourage. Et c'est un artiste extraordinaire. Je tiens à le dire aussi. Je suis très heureux de le voir ici. Et voilà. Et nous, on est très heureux de te voir. On attend que le mec fasse les choses. Voilà. Big Flo Oli, merci les gars de me recevoir. Merci. Big up à vous, Maxime Werner, Elisa Paron. Merci. Force. Fred de quoi? Fred, je viens de voir sur la caméra Youssoupha. Oui, je l'ai vu arriver aussi. Il va arriver en dès qu'il rentre. Dès qu'il rentre, on va lui faire applaudissement de ouf. Ouais, allez, dès qu'il rentre, on lui fait une surprise. Alors attention, parce qu'il peut parfois mettre 20 minutes aussi pour monter. C'est parce qu'il est arrivé. Ah non, j'étais mauvaise langue. Il est là. Non, c'est pas mon genre de dire du mal, Youssoupha. Mais non. Ça va pas ou quoi? Ça va, Yous? Bon, là, c'est aussi 20 minutes pour faire le tour du studio. Donc. Le Planète Rap, donc, avec l'arrivée de monsieur Youssoupha qui est là. On n'avait pas menti. Et qui vient aussi, regardez, promotionner Négritude, je vois sur ton t-shirt. Ah oui, oui. Ouais, l'album va être long. Vous avez compris, les gars, la prochaine fois qu'on viendrait dans un Planète Rap, faut mettre du Big Flo Oli. Mais Négritude, c'est le titre de l'album de Big Flo et Oli. C'est ça, en fait. Moi, c'est le gars qui a rien compris. Ça va? Eh ben, ça fait plaisir. Te vois. T'as dit du mal de moi. Je sais pas le genre. Il a pas sorti des blagues sur les congolais, tout ça là. Non, hier j'ai tenté une imitation de toi. Il a dit oui, c'est vrai, je l'ai vu. Il a dit que t'étais tout le temps en retard, Youssoupha. Moi, c'est mon genre. Il a dit ça, oui. Ça va se cacher. La grosse balance. Je me souviens plus. Le maximum, ça doit être 24 heures de retard. Ouais. Des choses habituelles, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, non, mais ouais. Ça va bien ou quoi, frère? Bah, ça fait plaisir de te voir. Je sais qu'on a quelques jours de Négritude aussi. Exactement, un Planète Rap. Et je vais faire peut-être pas avec toi. C'est aussi le concept. Ouais, exactement. Toi, tu choisis les invités, moi, je choisis les présentateurs. Voilà, c'est ça, en fait. Et puis, Big Flo, Oli, ça va ou quoi? Ouais, ça va, super. C'est la première fois qu'on se voit dans une émission, parce qu'en fait, on se voit toujours sur scène, en fait. Ouais, c'est vrai. Que dans les concerts, c'est un truc de fou. Et bah là, voilà, vous allez pouvoir vous poser un peu. Tiens, le temps que Youssoupha récupère son souffle. Je suis bien, je suis chaud. Moi, j'ai l'impression qu'il a couru. Clément, dédicacé Abdel, son VTC, tu veux dédicacer ton chauffeur ou c'est bon? Non, il y a un taximan très, très rapide qui m'a.

de la terre, on se casse. Y'a Skyrock qui reste de la part. Big Flo et Oli à l'instant. Avec Jazzy Baz, avec Youssoufa, avec Clément qui est dans le coin aussi entre 20 et 21. Tu te rappelles, il y a 10 ans, comme moi aussi, j'avais de l'énergie comme ouais, ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais quoi, c'est ce que je leur. Tout à l'heure, on en parlait sur les planètes rap justement. Là, Youssoufa, vous allez voir, il va venir pour son planète rap. Sénateur, tu sais. Il va être assis dans un coin. On va, voilà, on va voter des lois, tout ça. Non. Là, les gens, ils jump. Hey, pogo dans le studio. Ouais, t'es, pogo dans le studio, quoi. Moi, mes potes, ils font plus les pogo dans les studios. En fait, ils viennent plus, en fait. Ouais. Oh. Voilà. Oui, pour Youss, là. Hey, je voudrais envie de faire un seul. Ouais, grave, je te jure. Vous pouvez être avec les invités. Tiens, d'ailleurs, juste, il y a le morceau Smite, je vais te poser une question là-dessus. Ouais. C'est une nana qui s'appelle Émilie, je sais. Ouais, qui s'appelle Émilie, qui et fait partie d'un groupe qui s'appelle Madame, Madame Monsieur. Monsieur, c'est ça. Hein. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup, beaucoup de messages par rapport à ce morceau-là. Smite qui monte, qui monte, qui monte. J'ai écouté, c'est du lourd, je l'ai entendu sur Skyrock. Je crois. Ah, bah, entendu. Skyrock, plus. Vous avez pas fait écouter son album? Ah, pas, non, encore. Pas encore. Ils m'ont pas fait écouter le leur. Hein. Ah. Guerre des nerfs. Non, on va s'écouter ça très vite. Mais bon, nous, on est hyper fan de Youssoufa. On l'écoute depuis longtemps. Moi, je me suis buté à beaucoup de ses sons, donc ça fait super plaisir qu'il soit là. Merci à Youss, merci beaucoup. Ah, non, mais merci, merci. C'est les premières traces de la DS. Généralement, quand des jeunes rappeurs qui sortent des albums en plus de qualité, planète rap, donc, déjà qui commencent à être en place, te disent ah ouais, franchement, j'ai grandi sur tes sons. C'est que quand même, t'as passé un peu. J'ai fait un concert avec Giorgio la dernière fois et j'aime bien Giorgio. Et tout. Big up à Giorgio d'ailleurs. Et qui prépare aussi lui. Ouais, prépare des grave. Aussi. Et je vais le voir et tout. Il me dit, tu sais quoi, quand j'avais 15 ans, j'ai fait des photos avec toi, tes concerts. Je fais, ouais, je suis pas à Kedaton. Pas loin. Non, mais ouais, je te dis, ouais, apparemment j'y arrive. Hein, en tout cas, mais, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'était croisés à Toulon pour la première fois. J'étais, j'étais beaucoup plus jeune, ça doit faire 4 ans. Ouais, exactement. J'avais 15 ans ou 14 ans. Et les gars, ils jouent de la trompette sur scène. Ah, mais t'as pas vu, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'est moi, fou, j'avais dit, on m'a dit, ouais, regarde ce groupe de rap. Qui joue de la trompette. Oh, d'ailleurs, il y a eu un clash avec Romano de trompette hier. Ouais. Et demain, on vous réserve une petite surprise aussi. Et demain, grosse surprise dans l'émission entre 20 et 21. Il y a un orchestre de trompette qui arrive. Ah, non, mais non. Je te jure. Ah, non, mais on prépare des surprises. Ça a changé un planète rap. Ça a changé. C'est vrai. Tiens, il y avait une question aussi. On va finir avec les questions auditeurs par téléphone. Il y avait. On va faire un tour du côté de Toulouse. C'est Florian de Toulouse. Je sais que la vie rose vous manque. C'est moi-même. Je m'appelle à moi-même. Tu vas te poser une question à toi-même ou à ton frère éventuellement. Florian, ça va bien? Ouais, ça va, nickel, et vous? Eh bien, écoute, on est en pleine forme. Big Flo, salut Oli. C'est beau à Toulouse Florian, ou quoi, Florian, le meilleur. Ouais, vite fait. T'es de quel coin à Toulouse, toi? À côté de Colomiers, une petite ville à côté de Colomiers. Tricheur, c'est pas Toulouse, ça. C'est pas Toulouse, ça. Attends, il y a quelqu'un qui habite à Colomiers, il va te dire... Non, mais ça va, on connaît, c'est Toulouse, c'est la famille. Non, mais vous fâchez pas, vous allez retourner à Toulouse, les gars. Allez-y, tranquille. Merde, avec plaisir. Regarde, Youssoufa, il peut plus aller à Sergi, c'est fini. Ouais, c'est bon. C'est quoi ta question, mec? C'est quoi ta question? Alors, moi, ma question, c'était donc, je vous ai connu en première partie de Boho. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de faire la première partie de Boho et de faire ses propres concerts au jour d'aujourd'hui. Donc tu as fait la première partie de Boho, c'était à Toulouse? Ouais, j'avais 14 ans, je crois. C'est genre vraiment à l'ancienne, ça, vraiment. T'es un ancien. Moi, je croyais qu'il avait encore 14 ans, c'est ça le truc. Et demi. Ma mère aussi, elle arrive pas. Que ce soit pour Boho ou d'autres artistes, ça fait toujours plaisir de faire les premières parties. Et ça nous permet surtout de rencontrer les artistes la plupart du temps. Ouais. C'est de là qu'on a rencontré Aurel San et il nous a beaucoup aidé ensuite. D'ailleurs, on fait la première partie de Youss à Montréal. Ouais, on fait la première partie. Mais Youssoufa ne calcule personne, il est dans sa loge. Non. Moi je parle pas avec les premières parties. Je faisais la première partie de 50 Cent à l'époque et il me calculait pas. Ouais, c'est ça le concept. Donc, Il est très fort. Ça fait toujours plaisir et puis voilà, surtout quand c'est des artistes qu'on apprécie, ensuite on peut les rencontrer. Et puis ça nous permet aussi de se montrer à un public qui serait pas forcément venu pour nous. Donc voilà. Voilà Flo. C'est okay, bon pour ta réponse? Ouais, nickel. Ok, et ben on te salue. En tout cas, merci Florian du côté de Toulouse. On finit avec quoi? Une dernière question et après on pourra pas faire freestyle par téléphone. Hein, ce soir, on est déjà un peu à la bourre. D'accord. Et il y a une grosse surprise qui t'attend. Tu es au courant, Youssouf? C'est vrai. Mais moi, je viens à chaque fois, j'ai des surprises. Un petit remix. On va se faire plaisir. Ben, je vais m'en mêler. Bien que tu vas t'en mêler. Je vais m'en mêler. Allez, yes. Dernière question par téléphone et on est déjà très à la bourre. J'ai déchiré ma feuille. C'est Mathieu, pardon. Mathieu de Cap d'Agde. On t'écoute, Mathieu. Bonsoir à tous. Salut Mathieu. Alors ma question, c'est pour Big Flo et Oli. Est-ce que votre âge, ça vous met un peu la pression pour l'album? Ah. Non, parce que notre âge. Âge, parce que vous avez 19 ans, 21 ans, donc par rapport aux autres rappeurs. C'est sûr qu'on est souvent les plus jeunes quand on va à des endroits. Ça commence à se finir là. On grandit quand même. Oui, on grandit un petit peu, mais en tout cas, on a souvent été les plus jeunes quand on arrivait à des endroits. Et il y a des avantages. C'est vrai que bon, le fait qu'on soit jeune et tout, les gens ils vont être plus indulgents. Il y a aussi des inconvénients. Voilà, c'est normal. Il y a aussi des inconvénients. Des fois, on nous laissait même pas. Olivier, il a une phrase. Il dit, j'ai même pas l'âge pour entrer à mes propres putains de concerts. C'est vrai que des fois, on arrivait. Les sécu qui arrivent. Ça va pas être possible. Vrai, on arrivait devant le videur et avec la trompette et tout. On disait, allez, dégagez. On disait, mais non, on rappe ce soir. C'est nous, Big Flo Oli, sur l'affiche. Ouais, bien sûr. Il disait, allez, dégagez. On devait appeler le supérieur pour qu'on puisse rentrer. Des fois, on n'avait plus de batterie, on restait une heure dehors, il y avait les gens qui commençaient à rentrer et tout, sauf que nous, on était dehors. C'était abusé. Mais bref, d'ailleurs, ça m'étonne qu'on vous ait laissé rentrer à Planète Rap. Hein. Ouais. Mais ça fout la pression, là, c'est sûr, à notre âge, un premier album et tout. Moi, mes potes, ils sont encore à la fac, les potes d'Olivier. Après, ça va venir à l'âge, hein, de toute façon. Ouais, voilà, c'est ça. Mes premiers albums. Mais en même temps, nous, on a toujours été pressés, précoces et pressés. On a toujours. D'ailleurs, ouais. ils arrêtent leur carrière dans deux mois. Ouais. On va arrêter. Ils pensent déjà à la fin. Olivier va arrêter sa carrière à 21 ans. Ouais, dans deux ans. Dans deux ans, c'est fini. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'acheter le premier, là. Il faut l'acheter parce que c'est peut-être le dernier. C'est collector. Je l'ai acheté. Eh ben merci à toi en tout cas Mathieu, merci à vous tous pour les questions ce soir. Désolé pour le freestyler par téléphone, mais on est vraiment trop à la bourre. Yes. On attaque le live. On y va. Jazzy Bass, Youssoupha est dans le coin. Il est même là au micro. On va commencer par, on va se rappeler l'été dernier là. On va commencer par ça, Oli, si t'es chaud. Vas-y. Balance le son, Den. Ouh. Eh oui monsieur. Les MC Sky, les MC Style, quand je pars en freestyle, quand je kick grave comme sur la East Side, Drisman, les racailles, Kayas, la flicaille, on met de la zig, rail sur Sky pour Kiss Sky, mais la jeunesse des rails, du shit ou du Sky, des roues, des rails, des filles ou de la maille, des forces et toute la night, ah. Au milieu de tout ça, moi j'ai pris le mic, ah. Les débuts de son déguis, devine qui fait le strike, Big Flo est dans la place, et crash des flammes, le son est fat, des boîtes, et quatre, c'est wack, et quatre des crânes, c'est le Micmac, les MC quittent l'endroit, repose le mic, mais Big Flo l'a pris avant toi, ma rage, la rabale, j'ai balance des rafales, je fais des ravages graves et des traves, parle sur mes tracks, et je traque tous les gars qui bavent sur mon rap, les attrape, leur fracasse, me crâne à coups de matraque. Pourquoi tu parles? Moi quand je rappe, je ne crains personne. Car dès que je prends le mic, je suis Michael Jackson. Tout le monde se demande qui ce type qui débite des rimes graves. Des gimmicks des lignes sales, tout le monde débite de taille. J'ai des milliers de rimes, c'est mimi, il m'imite, il minimide, le mythe, puis je milite et les élimine. J'ai mis des mines, domine les mythes, ma mine, émis les immis, les MC ont mine, épine, c'est unanime. Ok, moi je kiffe parce que je kiffe ça. Hasta la vista, tous les MC assistent à l'histoire, avise-toi. On arrive, tu veux que je te dise quoi? Et tous les connards qui parlent de licence sur ma liste. Je kiffe comme un ouragan parce qu'on voit du lourd avant. On prenait des mics, on faisait des claques et on faisait ça couramment. Les rappeurs ne pensent qu'à se taper. Ils parlent, ils clashent, mais ils oublient de rapper. Mon frère, c'est mon clone, tu peux l'appeler Dolly. Bienvenue dans la nouvelle école de Big Flo et Oli. Et je les entends qui rigolent, tous ces MC alcooliques. Big Flo et son acolyte, ils sont plus clean que des catholiques. Vous venez griller vos types catholiques, vous voulez vos taudis. Vous êtes maudits, quand vous sous-estimez, on vous a trop dit. Avoue que c'est commis comme un homme qui picole atomique. Que j'étais comme elle et comme je t'en ai promis. Hey yo, c'est Big Flo et Oli, dis-moi si t'as suivi. Je préfère avoir peu de vécu que m'inventer une vie. Le rap fait pitié, je sais pas ce que t'en penses. Si on est derrière toi, c'est qu'on a déjà un tour d'avance. Si je trouve ça facile, c'est qu'on m'a commis d'office. Assassin du chromis, j'opprime, c'est Oli le kid. Les kids, c'est pas type. Depuis qu'on m'a remis le titre, mon style. Oli de la ville au stylo hostile, mais aussi artiste, clique vite et profite. Point de ces égoïstes autistes, au profil horrible. Arrête tes stories débiles, au chromis, c'est gosy. J'évite tes clips pathétiques, t'auras stérile, dérive, c'est commis. Elles font la forme, et tous ces cons, j'assemble. Bon, d'accord, je jongle avec le son, c'est fort. Le monde donne même une leçon, c'est donc un couple en sort. Et si quelqu'un a mieux que moi, mais dis-moi. Ah, je m'applique et je kick comme il est, ça clique. Classique comme Nas, c'est le disque, il est magique. Technique, breadbeat, le rap, il est magique. Des planètes, rap ça agité dans la lancée. Je fais des clins d'œil, les yeux grands ouverts. Le festin va commencer, j'ai même pas mis les couverts. Faut que je calme mon flow de malade, poteau t'es ouvert. Je mérite une médaille, je me balade comme un vent couvert. C'est que le début, kiffe la petite démo. Tous les requins veulent me voir, ils veulent m'avoir. Les mots, tu grattes, rageux, t'as du mal à voir le bon. On a fait des premières parties à DMC, plus mauvais que nous. Ok, faites du bruit. Yeah. Yeah. Yeah. Jazzy, est-ce que t'es chaud? Ah. Yo, tout le monde fait du bruit pour monsieur Jazzy Bass dans les studios. Ça me fait tellement plaisir d'avoir Jazzy Bass. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Merci à vous pour l'invitation, les frères. Hey yo, Big Flo, Oli, Youssoupha, yo. Check. Yo, le jour se lève. Tranchant comme un couperet, comme quand je t'ai tendu la main sans savoir que ça me la coûterait. Amputé comme le Che Guevara après sa mort, face à des hyènes qui s'apprêtent à mordre. Je sais pas où je vais, quels seront mes projets futurs. Peut-être que je coulerai comme le soleil au crépuscule. Ma génération se dit que les célébrations funèbres sont les seules chances d'élévation dans la végétation urbaine. Aucune vénération du chef lorsqu'arrive leur délégation, car ils organisent la ségrégation. Tu cernes, ils divisent leur royaume en castes. J'en ai la nausée et me sens comme un oiseau en cage. Je profite de mon noyau, de gens sincères et loyaux, car ce n'est pas l'amour que les joyaux remplacent. Ils nous ont donné faim et s'étonnent qu'on soit gangrénés. Nos défunts, les seuls trésors qu'on a enterrés. Et toutes les erreurs ont un prix. Au bout de 17 ans ou 10 secondes après, nous on a pris des chemins différents de ce monde abstrait. Tuer le temps c'était distrayant, mais refaisons la paix. Nous recevions le présent tristement, marre d'engloutir ma joie. Je sais qu'avec le temps, on oublie le visage et on oublie la voix. Pénible évidence qui figure dans nos gueules de bois. Je profite de mon heure de gloire avant la minute de silence, avant que j'en parle au passé. La vie c'est instable, d'un coup t'embrasses le pavé et on passe le balai. La routine s'instable, chaque jour un grain de sable. La mort peut être un désert comme une plage de galets. Yeah, voilà sa prod DJ. Il me semble que c'était un texte inédit en plus. Faites du bruit pour Monsieur Jazzy encore s'il vous plaît. Merci. Yo, Oli, t'es prêt? Yo, yo, yo. Hey yo, est-ce que quelqu'un m'écoute? What? Tant pis de façon, je rime dans le vide passant. J'ai écrit des petites chansons. Si Dieu existe, Dieu merci, je respire et j'aspire un avenir fils. Face au fils, je reste clean, même si beaucoup parlent, ici peu agissent, nous abrutissent de toutes parts, rêve qu'on s'assagisse. Est-ce que c'est ça la vie? Chercher ce qu'il y a après. Armé, je profite en cas où elle m'échapperait. Avant la fin du match, je suis couché sur le tatami. J'ai pas grand chose pour voir mes amis, m'éloignant de ma famille au ralenti, navigant dans ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Le chambre ravir un mignon distante, m'anime hante mes nuits. Et je m'imagine dans 10 ans, quelle panique quand j'y pense. Je sais même plus si je mens quand je m'exprime gentiment. Esprit en ciment, enivrant, comptant sur la chance d'un adolescent. Chiant, ouais, souffrant en silence, j'ai de la bouteille dans mes verres. Mon frère, un talent fou, je suis galant. Pour moi, c'est la musique avant tout. Voir des pauvres tics abrutir nos petits frères, c'est rageant. Bientôt, je tenterai le concours pour entrer dans l'école du micro d'argent. Je me dévoile et je me rhabille, je bouge. Un attentat dans une maternité, c'est pas un baby boom. C'est pas demain qu'il n'y aura plus de guerre, j'imagine bien. Ils ont caché la colombe de la paix dans le chapeau de magicien. J'ai peur du noir, je sais pas me battre, mais ça me gêne pas. Dans le feu de l'action, j'entends des voix un peu comme Jeanne d'Arc. Je m'acharne car je l'aime fort et jamais t'abandonne. Le rap est mort, mais je crois aux fantômes. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Mais il sort quand l'album? Le 1er juin. Mais il sort quand l'album? Le 1er juin. Est-ce que tu vas le choper? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu vas le choper? Ouais, ouais, ouais. Et si tu télécharges, t'es un bâtard. Et si tu télécharges, t'es un bâtard. C'est bizarre, y'a du Léonard dans mes rimes. Donc si je te parle d'une fille, je parle de mon Alisa. C'est mon analyse, je suis un chameau dans un blizzard. Je rêve de l'autre côté du miroir. Je suis dingue, faut que je freine. Pourquoi je te parle de tout ça? Toi t'as déjà tes problèmes, tu veux que je te fasse rêver, ouais. Tu veux que je te fasse envie, ouais. Que je parle de flingue et de blé, mais je peux pas te mentir. Non, moi c'est Big Flo, rappeur, j'habite sur la lune. Hip-hop, valeur, gravé sur la plume. Moi je rappe depuis tout petit, il m'a tout pris, c'est pas du tout cuit. Oh. Un jour tu m'aimes, un jour tu m'oublies. J'rappe, ouais j'rappe pour mes frères. Souvent j'craque à cause du track. J'peux pas m'en défaire, j'suis vraiment déter. Faut pas que j'me rate, ma bulle je l'éclate. Et je demande de l'air, un air de Baudelaire. J'suis ce nouveau poète, ma sœur est une comète. Fils de l'étoile polaire. Si tu m'attaques, poteau fais pas le con. Ces mecs sont plus baraques, mais c'est moi le patron. Et j'n'accepte pas le pardon, tu restes nous partons. J'balaye les confettis d'une amitié en carton. Laisse tomber les muscles, les plus forts c'est l'esprit. Les filles des magazines ne sont pas celles qu'on estime. La vie dure, les rêves de princesse noyés dans de l'huile de friture. Parce qu'il faut bien remplir le frigo. Amigo, on nous jettera des fleurs quand ils fermeront le vido. Yeah. Big Flow, Oli. À chaque alinéa, t'es aliéné. Si tu ne savais pas, sache que plus rien ne m'arrêtera. Je dois passer à une autre orbite. Ex-époque aussi, ici pas de choc. Non, rester rappé, c'est fort possible. Étaler des grosses doses et se régaler de ces choses. Pour l'instant, je bosse trop, me dépasser, c'est mort d'office. On va vacciner vos coups. Ouais, je suis dans le milieu du rap, mais loin d'être arrivé au bout. Je revois vos yeux bizarres quand on gravitait autour. Vous vous mariez beaucoup, maintenant vous pariez vos sous. Satané suceur, vous aimez avaler du sperme. Tu peux la passer à ta sœur si un de mes gars t'a fait une fleur. Je kick et kill le mic, mes bandits arrivent de partout et t'agrippent le crâne quand ils s'agitent le soir. Comme leurs ennuis, on découte ton squat stupide. Lâche la manette quand t'écoutes mon rap, tu tripes car je rappe avec. Ouais, je rappe avec les tripes, mon frère. Big Flo et Oli Youssoufa. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Et il sort quand l'album? Le 1er juin. Et il sort quand l'album? Le 1er juin. Est-ce que tu vas le choper? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu vas le choper? Ouais, ouais, ouais. Et si tu télécharges, t'es un bâtard. Et si tu télécharges, sauf si c'est légal, frère. Sauf si c'est légal. Yeah, hey, c'est du des bruit. Malades mentaux. Faites du bruit pour Big Flo et Oli. Ouais, ouais. Yeah, yeah. Ok, yeah. Entre poèmes et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. Envoie ce son à trois personnes de ton entourage, qu'ils l'enverront à trois personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à trois personnes de leur entourage, qu'ils l'enverront à trois personnes et ainsi de suite. J'ai mon frère à côté de moi, je sais que j'ai plus rien à craindre. Pour tous ceux qui galèrent en bas, je sais que j'ai pas le droit de me plaindre. En un coup, tout s'éteint, ouais c'est dingue. On fait pas de reprise de volée avec les balles qui sortent des flingues. Et bien sûr faut qu'on se bouge depuis toujours. Il faut qu'on gratte de la plus petite salle de Toulouse jusqu'à notre propre planète rap. C'est grave, et même si des fois je doute, cette année on casse tout. Appelle-moi Big Flo, le lyriciste partout. Ils veulent effacer ma case, me barrer de la carte. T'inquiète pas, je suis paré. Regarde ma sale tête d'arabe en face de la boîte, le gars m'a recalé. Autour de moi des rapaces, mais je reste d'attaque. Garde mes points d'attache, ne bois pas la tasse au fond de la classe. La tête dans la tasse, je rêve de m'évader. Oublie pas de me parler de rêve si tu parles de micro. Oublie pas de me parler de rap français si tu parles de mytho. Oublie pas de parler de travail si tu parles de Nick. Mais surtout oublie pas Oli si tu parles de Big Flo. Et faut que je réalise que j'y arrive, que la chance passe, que le petit Big Flo de 12 piges m'aurait demandé un autographe. Qu'on est tous ensemble sous le même soleil à se bousculer pour boire en premier. On a cassé la bouteille. Je garde les pieds sur terre car au fond on n'est rien. Yous, tu m'as dit on se connaît, mais est-ce que je me connais bien? Dis frère, c'est à toi des virgules quand ils se servent des points. L'album s'appelle La Cour des Grands et il sort le 1er juin. Yeah. Est-ce qu'il y a du monde encore dans les studios ce soir? Oli, Yous, Négritude, yeah. La Cour des Grands. Yeah. La Cour des Grands le 1er juin. On repousse l'âge de la retraite, le taf fatigué tue nos mères, trop tard. Bientôt le seul pot de départ sera l'urne funéraire. Et j'écris mes doutes et mes joies, je compte mes jours tard le soir. Je m'applique en studio, seul dans les noirs, je garde l'espoir de faire un classique. Malgré l'attente et la pente, j'aime avancer. Flingue sur ma tempe, seule la chance pourra me lancer. Ils nous demandent l'argent en temps de crise. Aucun sens comme porter un t-shirt marche ou crève sur un champ de mine. Les vieux pourris nous clashent, ils parlent, on agit. C'est naze, serait capable d'appeler leur fille nostalgie. Qui est le plus respectable, celui qui vient prier ou le pasteur? J'ai vu le diable tard un soir me tend sa carte un after. Je cours mais manque d'endurance, tous fous, envie dans l'urgence. Triste de voir que la pizza arrive plus vite que l'ambulance. Hip hop dans mes veines, de NTM à Eminem. J'ai tellement écouté Espérance de vie que j'ai raccourci la mienne. Toujours négligé, ils regardent la lune, on montre la fusée. Abusé, ils peuvent ignorer le feu mais pas l'odeur de la fumée. On trace en silence, on efface ces tyrans qui ne font même plus d'efforts. Leur fric, leur style, dans 10 ans on fera le bilan et changera de décor. Qui pourra changer des choses? Faut être honnête, la misère, je l'évite du regard, j'ai peur qu'elle me reconnaisse. Certains te crache dessus d'un coup, d'autres t'encouragent. M'en fous, j'ai mon stylo. You, c'est bien sûr Jazzy Bass. Holy shit. Yeah. Yeah. Est-ce qu'il y a encore du monde dans les studios à Skyrock ce soir? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Comme on l'a dit au début. Yeah. Entre poèmes et vulgarité, je dis que mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. La cour des grands à trois personnes. La cour des grands à trois personnes de ton entourage. La cour des grands à trois personnes de ton entourage. La négritude pour une personne de ton entourage. Du bruit. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Trois personnes de ton entourage. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Comment s'appelle l'album? La cour des grands. Comment s'appelle l'album de Yous? Négritude. Comment s'appelle l'album de Yous? Négritude. Fais du bruit pour Jazzy Bass. Ouais, ouais, ouais. Fais du bruit pour Jazzy Bass. Ouais, ouais, ouais. Et il sort quand l'album? Le 1er juin. Si tu télécharges, t'es un bâtard. Aïe. À l'instant en live. Ouais, merci beaucoup. C'était magnifique. Franchement, merci à Yous, on était vraiment hyper heureux de rapper à ses côtés. Merci à Jazzy Bass. Merci à vous pour l'invitation. Ah, tu m'as fait kiffer Jazzy. Hein. Et, ah ouais. Donc, texte inédit que t'as balancé, Jazzy? Un mélange d'un texte qui est sur l'album de l'entourage et un texte qui va arriver. J'ai sur Skyrock avec toujours 1 500 €. J'ai tellement inédit. Tu viens de gagner 1 500 €. Jazzy Bass a gagné 1 500 € du bruit. Voilà. Pour écrire la suite du morceau. Tu me diras quel bureau je vais le chercher. Tout est en face. Moi, j'ai une info exclusive. On prépare un album avec moi, Jazzy Bass, Alibi Montréal. Montana, Kenaton et Ekoué, ça s'appelle Cheveux sur la langue. Une tuerie de dingue. Un carton à jouer. Je voulais pas en parler, Jazzy, voilà. Mais voilà. C'est bon, maintenant. Info exclue, Planète Rap, tu vois ce que je veux dire. Waouh. Wow. Ah ouais, quoi, frère. 2016 ouais, non, ouais, ouais, ouais. Plus. On cherche une année avec des S, tu vois. Ouais, 2016, ouais. Bien chiant. 2066. Un truc bien, bien chiant. Exactement. Bon, merci vraiment à vous tous, en tout cas. Merci, Youssouf. Merci à Bixo et à Oli pour leur invitation. Merci. Merci d'être venu, Youssouf. Ça nous fait. C'est un grand honneur pour nous. Merci à Jazzy aussi d'être venu. Merci à vous. Et puis deux choses, en tout cas, sur eux. Soutenez-le parce que déjà, c'est des passionnés de ouf, mais ça, vous l'avez découvert pendant toute la semaine. Mais moi, je suis content parce qu'ils font des concerts. Moi, je les ai connus sur concert. Yes. On s'est vu récemment pour parler de ce Planète Rap là, c'était en concert. C'est vrai, ouais, exactement. Festival. Cet été, on se voit à Montréal, encore en concert. Ouais. À la rentrée, à mon avis, on va se revoir en concert. Et moi, j'ai vu le nouveau show de Youssouf et je peux vous dire que c'est du lourd. Déjà ça change. Ouais, ah, ouais, je l'ai vu. Ah, on est déjà sur scène. Hier, j'étais à Marseille, c'était incroyable, l'espace Julien. Moi, je l'ai vu à Corus au festival, là, c'était monstrueux. Ah oui, non, nous, tu sais, moi, les concerts, c'est. Mais en fait, Youssouf, ça fait 3 ans que je le vois en concert. Le gars, il dort sur un ampli, tu sais. C'est ça. D'ailleurs, en parlant de concert, on fait toujours gagner les places pour le 1er octobre à la Maroquinerie à Paris. Vous envoyez Paris, hashtag Big Flo Oli sur Skyrock. Et pour le 8 octobre au Bikini, vous envoyez Toulouse avec hashtag Big Flo Oli sur Skyrock. Et bah, merci à vous tous. Merci Jazzy Baz, en tout cas, d'être passé. Merci Youssouf. Ouais, merci Fred, on se voit bientôt. Très vite, très, très vite, le 18 mai. On se connaît, on se voit bientôt. Voilà, on l'a déjà. On ne l'a jamais sorti celle-là. Non, je ne pourrais pas en Comme dit Youssoufa, pour finir, le rap va bien. Le rap va bien. Les gens, ils disent que le rap va bien. Mal, mais écoutez Big Flo et lui, écoutez Jazzy Baz, écoutez Tito Prince, écoutez Esprit Noir, écoutez, il y a des talents de fou, écoutez tous ces gens-là. Et bah, merci à vous tous. Alors, malheureusement, j'aurais bien aimé finir sur une. Non, c'est bon, je l'ai récupéré. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. On a une alerte enlèvement à l'instant qui vient de tomber. Ah merde. Et évidemment, quand il y a une alerte enlèvement, tous les médias sont mobilisés. C'est pour retrouver Bérénice, 7 ans, cheveux bruns, longs, qui a disparu donc aujourd'hui à 15h05 à Sancy-le-Haut, en Meurthe-et-Moselle. Elle porte une jupe à volant blanc et un haut multicolore. Un fourgon blanc conduit par un homme d'une quarantaine d'années a été vu sur les lieux. Si vous localisez l'enfant, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 0800 363 268 0800 363 268 ou envoyez un courriel à alerte-enlèvement@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Enfin, passez plutôt un coup de fil, ce sera plus rapide. Et on espère très rapidement que ça va s'arranger pour Bérénice et j'espère qu'on va la retrouver très vite. Je savais pas que ça passe aussi à la radio les alertes. Ouais, c'est partout. C'est, en fait, on a une alerte donc on doit les donner. Tout le monde se mobilise. Ça mobilise bien. Et j'espère qu'on va vite la retrouver, cette petite bout de chou de 7 ans qui a disparu en force, tout cas. Force. Voilà, grosse force. Merci vraiment Big Flo Oli, merci Youssoufa. Yes. Le 18 mai dans Planète Rap. Merci à Jazzy Baz et merci à vous tous. Big up Elisa, big up. Et on fait tourner la roulette. Yes, Skyrock t'offre ton kit d'album de rap français et de rap R&B US. À toi de choisir. La roulette qui tourne tout de suite avec Tristan de Luc-sur-Boulogne, c'est ça? Oui, les Luc-sur-Boulogne. Eh bien bienvenue Tristan, ça va en pleine forme? Ouais, bien, bien. Bien. Pas trop, tu sais, le bien est bizarre, tu sais, bien, bien. C'est bien, je peux pas te dire. Je vais préférer tourner la roulette, c'est parti, Tristan, dès que tu veux, tu dis stop. Tristan qui a pris le même flow qu'Olier. Hein. Oh là là. Allô, Tristan, t'es plutôt quoi, rap français, rap R&B US, t'as envie de quoi? Rap français. Eh ben rap français, on t'envoie donc les albums de Lacrim, de Caris, de Booba. On va rajouter aussi l'album de Big Flo et Oli qui sortira le 1er juin, c'est pour toi. Ok. Salut Tristan. Il y aura moyen d'avoir un poster aussi au passage. Tu veux quoi? Un poster dédicacé. Un poster dédicacé. De qui? De quel des deux? De qui? De Big Flo ou d'Oli, tu veux? On t'envoie les deux, on t'envoie ça. Ah ouais, parce qu'on n'entend rien en plus, donc voilà, on t'envoie tout. Ça va être long parce que t'as l'air d'être très loin dans un endroit reculé, mais on t'envoie ça. Il est parti. On te l'amène nous-mêmes. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous tous, merci d'être passés. On va retrouver D-Fool sur Skyrock maintenant. Oui, bonjour. Oui. Youssoufa. Bonsoir, D-Fool. Bonsoir, Youssouf. Et Youssouf, Romano nous racontait que tu l'avais volé son tel. Oui, pareil, ouais. Oh là là, putain. Romano vient juste d'arriver en plus, il voulait arriver en retard exprès pour éviter de te croiser, Youssoufa, parce qu'on sait que les rapports entre Youssouf et Romano sont un peu chauds. Ouais, mais c'est tendu de ouf. Mais tu sais que mon album il sort le 18 mai, donc la date de la vie de Romano se raccourcit, son espérance de vie se raccourcit. Ah ouais, parce qu'il y a un Planète Rap en plus. Il y a le Planète Rap, donc il y a le Planète Rap, donc je serai physiquement une ici. Une semaine tu seras là en plus. Ah bah, pour te trouver. Attention, nous sommes à tes trousses. Ouais, vous avez entendu les clashs entre Booba et Rof. Bah, c'était rien de les clashs entre Romano et Youssoufa. C'est beaucoup plus tendu entre nous. Beaucoup plus tendu. Non, mais il y a des rancunes d'enfance. Ça, c'est de la real violence, on peut dire. Ah ouais. Alors, je vais blesser le gars. Et le gars, il m'a volé mon portable. Ouais, on a raconté hier à Big Flo et Oli. Comment ça va, Big Flo et Oli? Ça va, et vous? Ça va bien. On vous attend ce soir, d'ailleurs. Ouais, Clash de la Drague ce soir. Je défie Romano. On défie Romano et Cédric. Ça va être, on va gagner. Ouais. Il y a Big Flo qui voulait faire jouer en équipe ou pas? Vous jouez en équipe? Ouais, on va jouer en équipe. On va faire ça en équipe. C'est-à-dire que Romano va être avec Cédric? Bah, ça c'est beau. Peut-être. Oh là là. On va voir ça. Vous avez une bonne méthode au moins? On est en train de. On peut pas te la dire maintenant en fait. On l'a, mais on va te la dire. Ouais, déjà, c'est que vous en avez pas, les gars. C'est pas vrai. C'est Cédric qui nous fait la même. Le trompettiste de fanfare là. On la garde en stock pour l'instant. Bon, bah, on vous retrouve tout à l'heure, Big Flo et Oli. On vous écoutera aussi. Les gars, j'en ai une pour vous. C'est mal. Ça y est, Karim. Ça part en couille. Karim, merci. Vous avez Karim dans votre équipe alors. C'est devenu violent à la radio. T'as vu un peu, ça a changé quand même. Il y a que Marie qui me manque. Marie. Oh, t'es trop mignon. Chop. Gros bisous, Yous. Petit blind test. On écoute Major Lazer avec Linon là maintenant. Mais on se passera un petit son dans la soirée. Écoute bien, Yous, qu'est-ce que c'est? Je les connais. C'est qui? On se demande. C'est deux mineurs. Qui aura des problèmes avec le commissariat de Toulouse. Ouais, exactement, c'est ça. Yes. Je crois qu'il s'appelle Big Flo et Oli. Et Oli, ouais. Yes. Ouais, on écoutera Big Flo et Oli tout à l'heure. Merci beaucoup, dans l'émission. Cool. Et dans Planète Rap. On écoutera ça après votre défaite. Ouais, juste après le clash. Oh, les enfoirés. On se fait le clash et on écoutera comme d'hab de Big Flo et Oli. On en reparle après. Et bien, on se retrouve tout de suite. Merci, Yous. À très vite alors. Yes. À très vite, les gars. Et puis à demain, Big Flo et Oli. Et à ce soir dans la radio libre. On arrive, préparez-vous. À tout de suite. Ben, on est prêts. C'est parti. Bravo. Jusqu'à minuit. Merci Big Flo, merci Oli, merci Youssoupha et bonjour à tous. Radio Libre, c'est parti. 01 53 40 30 20, vous voulez passer dans l'émission, vous nous appelez, on écoute Major Lazer tout de suite. Et on vous retrouve en direct, c'est soir de problème du mois. En plus, il y a une grosse soirée qui vous attend et qui nous attend nous aussi. Linon, ouais. Major Lazer, DJ Snake et Mo, c'est maintenant sur Skyrock. Ciao, ciao, salut Fred. Ciao.